changer le répertoire et l'atmosphère d'un vieux théâtre de quartier. Amener place d'Encourt, hors du circuit des soirées parisiennes, une clientèle nouvelle. Frapper vite, fort et juste, avec des moyens dérisoires, pour ne pas dire sans moyens. Et pourtant, cette date du 20 novembre 1922, par exemple, compte dans la vie théâtrale de notre temps. Dulin présentait à la critique une pièce dont le générique nous paraît aujourd'hui somptueux. Voyez plutôt la brochette des noms réunis. Antigone de Jean Cocteau, d'après Sophocle. Musique d'Arthur Honegger, décor de Picasso, costume de Coco Chanel. N'y a-t-il pas là de quoi faire rêver le plus fastueux des directeurs de théâtre? Et ce n'était pas tout. En présentant à côté d'Antigone La volupté de l'honneur, Dulin révélait au public français un auteur contemporain des plus originaux, Luigi Pirandello. On ne peut pas dire que le succès fut éclatant si la pièce fut bien accueillie par les critiques. Hormis Paul Soudet, qui toute sa vie d'ailleurs considéra Pirandello comme un fumiste. Les papiers étaient favorables et la plupart des critiques soulignaient l'importance de la révélation d'un auteur qui faisait entendre des accents neufs autour de problèmes psychologiques qu'on n'avait pas l'habitude de voir portés à la scène. Et c'est sans doute cette originalité qui inspira une certaine prudence à la critique qui n'osait pas trop s'avancer. Comment Charles Dulin avait-il découvert Pirandello? Il l'a dit lui-même dans une conférence donnée à la salle Gaveau pour l'Université des Annales. Le texte en a été imprimé dans « Ce sont les dieux qu'il nous faut », un volume d'œuvres écrites par Charles Dulin, recueilli dans une édition établie et annotée par Charles Charras, qui fut son secrétaire, et paru chez Gallimard dans la collection « Pratique du théâtre ». Alexandre Arnoux, de qui Dulin avait déjà monté « Huon de Bordeaux », et Petite Lumière et l'Ours, étant de passage à Rome, y avait rencontré Madame Camille Mallarmé et lui avait dit que Dulin recherchait des œuvres nouvelles, dignes d'intérêt. Elle envoya alors à l'animateur de l'atelier une lettre attirant son attention sur un auteur de la jeune école dramatique italienne, Luigi Pirandello, et joignit à la lettre le manuscrit de « La volupté de l'honneur ». Dulin lut la pièce et décida immédiatement de la monter. Mais voici comment lui-même compte sa première rencontre avec Pirandello. Nous venions de commencer notre répétition quotidienne. Mon petit régisseur vint en courant m'annoncer l'arrivée de l'auteur avec une dame. Je grimpe dans mon bureau, personne. Je descends à sa rencontre dans la cour du théâtre et je vois un homme d'un certain âge avec une barbiche blanche en train de caresser la tête de ma petite ânesse, Gitane. Cela ne pouvait être mon jeune auteur, car je m'étais représenté naturellement, Pirandello, sous les traits d'un tout jeune auteur. Camille Mallarmé, qui était partie de son côté à ma recherche, arrive et me présente Luigi Pirandello, qui était bel et bien ce monsieur à barbiche. Mais Pirandello ne savait que peu de mots de français. Il se lança dans une pantomime très italienne pour me vanter la douceur triste, la tendresse profonde des yeux des petits ânes. Il y avait dans ses yeux à lui, si vifs, si profonds, beaucoup de tendresse et de tristesse. Pirandello aimait les petits ânes. Vous entendrez Baldovino, son héros de la volupté de l'honneur, parler d'eux avec tendresse lui aussi. Dulin aimait les petits ânes. La présence de Gitane dans la cour de l'atelier le prouve. Leur collaboration commençait sous d'heureux auspices. À l'époque de la création en France de la volupté de l'honneur, Pirandello avait 55 ans. Il était né en 1867 à Agrigente, en Sicile. Mais s'il avait déjà beaucoup publié, poèmes, romans, nouvelles, La volupté de l'honneur, parue en 1917 ou 18, était, je crois, sa première incursion au théâtre. C'est sans doute, parmi la cinquantaine de pièces qu'il a écrites, la moins pirandellienne. L'auteur n'y est pas encore entièrement dégagé de certaines conventions du théâtre de son époque. Et son humour, je dis humour faute d'un terme plus précis, Son humour très personnel s'y réalise moins librement qu'ailleurs. On a comparé quelquefois l'ironie de Pirandello à celle de Bernard Shaw. Rien ne les rapproche pourtant. Celle de l'anglais est cynique. Celle de l'italien s'appuie sur un fond trop tourmenté pour pouvoir l'être. Dans La volupté de l'honneur, Pirandello se livre également, moins qu'ailleurs, à ses recherches psychologiques autour de l'essence même des êtres, de leur réalité profonde, et nous donne moins de ces aperçus inédits qui sont à la base de l'influence de son œuvre sur toute la littérature européenne. Le goût de cette étude au scalpel de la personnalité ne vient pas, chez Pirandello, d'une curiosité intellectuelle, mais d'une profonde angoisse humaine. Il a été conditionné, semble-t-il, par les événements de sa propre vie. Étant parti pour l'Allemagne afin d'y poursuivre ses études, il avait laissé en Sicile une fiancée qui devint folle. Il en fut profondément marqué. Pourtant, en 1894, à 27 ans, il épousait la fille d'un associé de son père qui lui donna 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Mais son bonheur fut de courte durée. Sa femme devint folle à son tour, avec toutefois, au début de sa maladie mentale, des périodes de lucidité. Mais dans ces moments de démence, elle le voyait sous des aspects différents. Et pour ne pas la heurter, il jouait alors le rôle du personnage qu'elle imaginait en lui. Et cela dura 20 ans, jusqu'au jour où, comme elle devenait dangereuse, il fut obligé de la faire interner. Mais fut-il alors vraiment délivré? Ne resta-t-il pas toute sa vie enfermé dans les limites d'une vie où rien ne pouvait lui paraître sûr, où tout était relatif? La réalité ne change-t-elle pas sans cesse au gré des tempéraments ou des événements? Y a-t-il quelque part une clé du mystère? La vérité est-elle une? Ou bien à chacun sa vérité? François Chaumette a monté La volupté de l'honneur avec une rigueur, une honnêteté, un souci de ne pas trahir l'auteur admirable. Il s'efface devant lui. Il est ce que devrait être tout metteur en scène qui réalise une vraie pièce, profonde et solide, et non pas un simple spectacle. Un serviteur attentionné. Pirandello disait que ses personnages, il ne les inventait pas, il les regardait vivre. Et François Chaumette, comédien, a su animer Baldovino avec les mêmes scrupules et un égal souci de vérité psychologique. Tous les comédiens qui l'entourent, d'ailleurs, ont su donner aux personnages qu'ils incarnent une remarquable présence humaine. C'est une des qualités primordiales de la troupe de la Comédie-Française que de savoir faire un tout, sans fissure et sans fausse note, de l'interprétation complète d'une pièce. Au début de l'action, nous sommes dans le salon élégant de la maison Régnier. Une femme de chambre introduit Maurice Setti. Si monsieur veut s'asseoir, je vais l'annoncer tout de suite. Entre Madeleine. Bonjour, Setti. Eh bien. Il est ici. Arrive avec moi ce matin. Et tout est convenu. Tout? Tout expliqué, clairement. Non, mais tout, n'en doutez pas. Mais clairement. Comment? Mon Dieu, je lui ai dit la chose comme elle est. La chose. C'est vrai. Il fallait pourtant bien la dire, ma pauvre amie. Oui, certes, mais... Oh, soyez sûr d'ailleurs que la chose change, pèse différemment suivant la qualité des gens, les circonstances, les conditions... Et voilà, c'est cela, c'est précisément cela. Mais c'est ainsi que je l'ai bien expliqué, rassurez-vous. Vous lui avez dit ce que nous sommes. Qui est ma fille? Oui, certes. Et il a accepté, sans difficulté. Et sans difficulté, soyez tranquille. Oh, tranquille, mon ami, comment pourrais-je être tranquille? Mais comment est-il? Dites-moi au moins comment il est. Ah, un bel homme. Oh, je ne veux pas dire en Adonis, non, mais un bel homme, vous verrez. Une belle prestance, un certain air de dignité non affecté. Il est vraiment noble, vous savez, de naissance, un Baldovino. Et les sentiments. Enfin, je parle des sentiments. Ah, mais excellent, excellent, croyez-moi. Et il sait parler. Enfin, je veux dire, il sait parler décemment. Vous comprenez, au fond, tout est là. Un seul mot déplacé. Sans cette certaine... Oh mon Dieu, je ne sais même pas comment m'exprimer. Allons, courage, madame. Ce sera un coup de poignard pour ma pauvre Agathe. Mais vous pouvez être tranquille à ce sujet, il ne prononcera jamais une parole qui ne soit correcte, ça je le garantis. Non, non, il est très réservé, mesuré. Ah ben, je vous dis, hein, monsieur. Et puis il comprend, voilà. Ne craignez rien de ce côté-là, je le garantis. Oh, croyez-moi, chère Cetti, je ne sais plus où j'en suis. Sans perdu et bêté. Se trouver aussi brusquement devant une pareille nécessité. Hélas, dans la vie. Et elle. Elle, ma fille, avec le cœur qu'elle a. Si vous la voyez, si vous l'entendiez, c'est déchirant. Oh, je me l'imagine. Mais de tout cœur, croyez-le, je me suis intéressé. Je le sais. Mais je le sais, vous voyez bien comme je vous parle. Parce que je vous sens de la famille. Plus qu'un cousin. Un frère de notre marquis. Oh, Fabio est par là. Par là, oui. Probablement, il ne peut encore la laisser, il faut la surveiller. Mais à peine vous a-t-elle entendu annoncer qu'elle s'était lancée vers la fenêtre. Seigneur, pour moi? Mais non, pas pour vous. Parce qu'elle connaît le motif qui vous a fait aller à Macerata. Et avec qui vous en êtes revenu? Alors, au contraire, il me semble... Mais pensez-vous, elle pleure, elle se débat, elle est dans un état de désespoir qui fait peur. Non, non, excusez-moi, mais n'étions-nous pas convenus de tout? N'avait-elle pas approuvé elle-même? Mais oui, oui, c'est justement pour cela. Elle ne veut plus? Mais comment le vouloir? Pourrait-elle seulement le vouloir? Mais elle doit. Elle doit par force. Il faut absolument qu'elle le veuille. Bah oui. Et qu'elle se fasse une raison. Oh, Cetti, ma fille en mourra. Mais non, madame, que dites-vous? Vous verrez. Elle en mourra que... Si elle ne commence pas par commettre quelques sottises. Oh. J'ai trop permis, je le reconnais. Mais j'espérais que Fabio serait plus prudent. Vous ouvrez les bras. Et oui, en effet. Il ne reste plus qu'à ouvrir les bras, fermer les yeux, et laisser entrer la honte. Oh, voyons, madame, ne parlez pas ainsi. Mais pourquoi? Puisqu'on essaie de remédier... Oh, vous ne parlez pas ainsi, de grâce, c'est pire. Ah, je vous jure, Cetti. Quel remords de ce qui ne fut d'abord de ma part que faiblesse. Mais je le crois sans peine, madame. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes un homme, vous, et vous n'êtes même pas père. Vous ne pouvez pas comprendre le déchirement pour une mère de voir sa fille avancer en âge et commencer à perdre la première fleur de la jeunesse. On n'a plus le courage de déployer cette rigueur que conseille la prudence, disons même, que l'honneur exige. L'honneur! Quelle dérision, cher Cetti, à certains moments. Mais que peut dire une mère qui a vécu dans le monde et bien ou mal a aimé quand les yeux de sa fille se tournent vers elle comme pour implorer pitié? Afin de ne pas céder ouvertement, nous feignons de ne nous apercevoir de rien. Et cette feinte et notre silence deviennent complices. Jusqu'à ce qu'on en arrive. On en arrive où nous en sommes. Mais j'espérais, je le répète, j'espérais que Fabio serait prudent. Oui, mais la prudence, chère madame... Je sais. Mais s'il avait pu lui-même... Mais je sais, je le vois bien, il est comme fou lui aussi, le pauvre. D'ailleurs, s'il n'avait pas été l'honnête homme qu'il est... Croyez-vous que tout cela serait arrivé? Fabio est si bon. Et nous le savions, malheureux, séparés d'une femme indigne. Voyez-vous, c'est cette raison, justement cette raison-là, qui aurait dû nous empêcher d'aller si loin, qui nous y a poussés. N'êtes-vous pas certain, dites-moi en toute conscience, que si Fabio avait été libre, il aurait épousé ma fille? Mais sans aucun doute. Dites-moi en conscience, je vous en prie. Mais enfin, vous ne voyez pas comme il était pris d'elle? Dans quel état il se trouve maintenant? C'est vrai. C'est bien vrai. Vous ne pouvez savoir quelle consolation donne nos plus petits témoignages dans un moment pareil. Mais que dites-vous, madame? Que pensez-vous? J'ai pour vous, pour mademoiselle Agathe, le plus grand respect, la plus sincère, la plus dévouée considération. Merci. Je vous prie de me croire. Je n'aurais jamais sinon pris tant d'intérêt à... Merci, Cetti. Voyez-vous, quand une femme, une jeune fille, a attendu tant d'années, honnêtement, un compagnon d'existence sans le trouver, qu'elle rencontre à la fin un homme qui mériterait tout son amour, qu'elle apprend que cet homme a été bafoué, attristé, offensé injustement par une autre femme. Voyez-vous, elle ne peut résister à l'impulsion spontanée de lui démontrer que toutes les femmes ne sont pas comme celle-là, qu'il en existe qui savent répondre à l'amour avec amour et apprécier la chance que cet autre n'a su que piétiner. Piétiner? Ah, vous dites bien, madame. Pauvre femme. Mais il ne le méritait pas. La raison déclare non, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Non seulement à son cœur, à elle, mais aussi au cœur de cet homme, s'il est honnête, et à celui de la mère qui les observe tous les deux avec désolation. C'était un bout de temps, on écoute la raison, on étouffe sa peine. Puis à la fin arrive un moment... Oh, il arrive. Il arrive sournoisement. C'est une soirée délicieuse de mai. Odeur des fleurs et des étoiles. Au-dedans, la tendresse et l'angoisse intense. Et cette maman se crie à soi-même. Mais que ma petite fille, pour une fois seulement, profite de toutes les étoiles et de toutes les fleurs. Et elle demeure là, dans l'ombre, montant la garde autour d'un crime que toute la nature d'alentour conseille. Que demain les hommes et notre propre conscience condamneront, mais qu'à cette minute on est heureux de laisser s'accomplir. Par une étrange satisfaction presque de nos sens, avec un orgueil qui défie la condamnation, même si nous devons le payer très cher. Voilà. Voilà, Gersetti. Je ne mérite pas d'excuses, mais de la compassion, oui. On devrait mourir ensuite. Au contraire, on ne meurt pas, la vie continue. Et elle a besoin pour se maintenir de tous ces appuis que nous avions jetés bas durant une minute. Eh oui, madame, voilà. Oui, mais ce qui est nécessaire maintenant, c'est le calme. Non, vous-même reconnaissez que jusqu'à présent, tous trois, vous d'un côté, Fabio et Mademoiselle Agathe de l'autre, vous avez fait la part un peu trop large aux sentiments. Oh, trop bien. Ah oui, trop. Mais maintenant, il faut contenir le sentiment, le resserrer, pour laisser place à la raison. Hein? Et affrontons une nécessité qui n'admet pas de retard. Oh, Fabio! Je vous en prie, allez là-bas, ne la laissez oui, pas seule. Oui, je sais, mais il paraît que... Excusez-moi. Mmh. Allez là-bas, je vous en prie. Toi aussi dans cet état. Par pitié, Maurice, ne dis rien. Tu t'imagines avoir découvert leur remède, toi. Sais-tu ce que tu as fait? Tu as mis du rouge à un malade, voilà. Moi? Et oui, toi, l'apparence de la santé. Tu me l'as demandé toi-même. Alors, entendons-nous, hein. Je n'ai pas envie de jouer le rôle de sauveur malgré vous. Je souffre, Maurice. Je souffre pour cette pauvre créature et pour moi les peines de l'enfer. Et c'est ton remède qui me les inflige. Quoique je le juge nécessaire. Ah. Mais parce que je l'estime nécessaire, justement. Comprends-tu? C'est un remède extérieur qui ne peut sauver que l'apparence, et rien d'autre. Mais elle ne compte donc plus pour rien, maintenant. Tu étais dans le désespoir, il y a 4 jours, à cause de cette apparence à sauvegarder, mais dès que tu en as la possibilité... Eh bien, je songe à ma douleur, ça ne te paraît pas naturel? Non, mon cher, parce qu'ainsi, vous ne sauvegardez plus rien. Non, enfin, il faut qu'il existe une apparence. Mais commencez par vous la donner à vous-même. Tu ne te vois pas, mais je te vois, moi. Je dois te secouer par force, te tirer de là. Mettre du rouge, comme tu dis. Bon, il est ici, arrêtez avec moi, s'il faut se dépêcher. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est inutile. Tu lui as dit au moins que je ne lui laissais pas la disposition d'un seul centime. Je l'ai prévenu, oui. Et il a accepté? Mais puisqu'il est ici avec moi. Sinon, pour être tout à fait en mesure de remplir les obligations qu'il assume vis-à-vis de toi, étant donné les circonstances, il demande, et ça me semble juste, la liquidation de son passé. Mais il a quelques dettes. Oui, évidemment, je le supposais. Mais combien? Beaucoup? Non, peu. Il y en a peu. Bon, dirais-tu jusqu'à le vouloir sans dette? Ah, il faut que j'ajoute. Remarque, c'est lui qui m'a demandé d'ajouter. Note bien que s'il a peu de dettes, ce n'est point par la faute de sa volonté, mais faute de crédit de la part des autres. Très bien. Honnête confession, non? Oui, tu comprends que s'il jouissait encore d'un certain crédit... Bon, alors... Attention, Maurice, par pitié. Allez, répète-moi ce que tu viens de dire. Comment est-il? Là, je l'ai trouvé un peu en baisse depuis la dernière fois. Enfin, cela en remédie, j'y ai déjà remédié en partie. Mais c'est un homme sur lequel le moral influe beaucoup, tu sais. Et les mauvaises actions qu'il se voit contraint de commettre... Mais quoi, hein. Il joue, il triche, il vole, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il jouait, oui. Voilà quelque temps qu'on ne le laisse plus faire. Ah, il était d'une amertume qui faisait mal à voir. Mais je me suis promené avec lui toute une nuit sur le cours, le long des murailles. As-tu jamais été à Machelap? Moi, non. Ah, je t'assure que pour moi, ça a été une veillée, mais fantastique. Au milieu du scintillement d'une myriade de lucioles, sur ce cours, à côté de cet homme qui parlait avec une sincérité effroyable, et faisait jaillir des plus obscures profondeurs de l'âme certaines pensées inattendues devant l'esprit, et comme les lucioles jaillissaient devant les yeux. Ah, il me semblait n'être plus sur terre, et dans un pays de songes étranges, lugubres, mystérieux, où il se mouvait en maître, où les choses les plus bizarres, les plus invraisemblables pouvaient arriver et devenir tout à coup normales et familières. Il s'en aperçut. Il s'aperçoit de tout. Sourit. Et me parla de Descartes. De qui? Descartes, le philosophe. Ah oui, parce qu'il est aussi, tu verras, d'une culture philosophique formidable. Il me dit que Descartes... Écoute, Maurice, que veux-tu que m'importe Descartes en ce moment? Mais laisse-moi dire, tu verras que ça t'intéresse. Il me dit que Descartes, étudiant notre conscience de la réalité... C'est une des plus terribles pensées qui se soit jamais présentée à l'esprit humain. Celle-ci. Que si les songes avaient de la régularité, nous ne pourrions plus distinguer le sommeil de l'état de veille. N'as-tu jamais éprouvé une sensation étrange quand un de tes songes se répétait plusieurs fois? Troublante, hein? Ah oui, il devient presque impossible de ne pas croire qu'on se trouve devant une réalité. Parce qu'en somme, toute notre connaissance du monde est suspendue à ce fil archi-subtil. La régularité de nos expériences. Mais nous qui vivons dans cette régularité, nous ne pouvons nous représenter quelles choses sont réelles, vraisemblables, pour qui vit en dehors de toute règle comme cet homme-là. Non, je te dis qu'à un certain point, il me fut plus que facile de lui présenter ma proposition. Ah, il échafaudait de tels projets qu'il lui paraissait à lui très possible. Et à moi, si parfaitement sans queue ni tête et inexécutable, que ma proposition, non, comprends-tu, devint tout à coup mais d'une aisance, d'une simplicité sans égale. Ah oui, telle en somme que n'importe qui aurait pu l'accepter. Oh oui, tombe des nues, ce ne fut même pas moi qui lui parlai le premier de la question d'argent. Ce fut lui, aussitôt, qui protesta d'un ton très vif qu'il ne voulait entendre parler d'argent de près ni de loin, d'aucune façon, en rien. Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'il est plus facile, selon lui, d'être un héros qu'un honnête homme. Héros, on peut l'être une fois par hasard, honnête homme, il faut l'être toujours. Eh, ce qui n'est pas facile. Mais c'est un homme d'esprit, à ce qu'il paraît. Ah oui, beaucoup, beaucoup d'esprit. Enfin, il semble s'en être plutôt mal servi. Très mal, hein, mais on ne peut plus mal. Puis depuis l'enfance. Nous étions camarades de collège, je te l'ai dit. Avec son talent, il aurait pu arriver où il aurait voulu, mais il n'étudia jamais que ce qui lui plaisait et pouvait le moins lui servir. Ah oui, ça, il prétend que l'éducation est l'ennemi de la sagesse. Parce que l'éducation rend nécessaire tant de choses dont, pour être sage, nous devrions nous passer. Et il a eu, lui, une éducation de grand seigneur. Goût, habitude, ambition, vice même. Ensuite, les hasards de la vie, le krach financier du père, et rien d'extraordinaire. Oui. Et c'est un bel homme, en outre, dis-tu? Ah oui, belle prestance, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, est-ce que tu commencerais à craindre un peu, hein, un tout petit peu, que j'ai trop bien choisi? Oh, écoute-moi, fais-moi le plaisir, là. Mais non, je vois du superflu, voilà, de l'esprit, de la culture. Philosophique. Elle ne me paraît pas superflue dans l'occasion, hein. Écoute, par pitié, Maurice, ne plaisante pas. Je sens sur des épines. Mais non, j'aurais voulu moins, voilà, un homme modeste, comme il faut. Et le découvrir sur le champ, et qui n'eut même pas l'apparence convenable. Non, pardon, il fallait aussi penser à la maison dans laquelle il doit entrer. Un homme médiocre, pas jeune, aurait inspiré des soupçons. Il fallait un homme de valeur, qui inspira respect et considération. Ben, tel ensemble que demain les gens s'expliquent pourquoi Mademoiselle Rény a pu l'accepter. Et je suis sûr que... Que ? Mais qu'elle l'acceptera. Et qu'elle me remerciera beaucoup mieux que tu ne le fais. Elle te remerciera, ben, si tu l'entendais. Parce que tu as dit à cet autre qu'on doit agir au plus vite. Oui, oui, mais tu verras, il saura tout de suite gagner votre confiance. Oui, enfin, c'est-à-dire Oh, mais autant que vous voudrez lui en accorder. Madame réclame un moment, monsieur le marquis, là-bas. Je ne veux pas, maintenant, je dois sortir avec mon cousin. Il faut que je le voie, que je lui parle. Non, mais dites à madame d'avoir un peu de patience, mais je ne peux pas maintenant, je ne peux pas. Bon, il est là, à deux pas au premier hôtel, mais comme ça... Je deviens fou, là. Entrez là, qui pleure, et toi qui me dis que... Mais remarque, jusqu'ici, il n'y a aucun engagement, si tu ne veux pas... Mais si, je veux le voir, je te dis, lui parler. Bon, alors allons-y, il est à deux pas. Fabio, venez par là, ne me laissez pas seul en ce moment, je vous en prie. Mon Dieu, mais c'est... C'est une crise terrible, venez, je vous en conjure. Mais oui, mais si, je dois... Tiens, veux-tu que je l'amène ici ? Non, sans engagement, tu pourras parler avec lui. Ça vaudra peut-être mieux. Et aussi pour Mademoiselle Rény. Bon, ben alors, soit, vas-y. Mais alors, sans engagement de ma part, hein, tant que je ne l'aurai pas causé avec lui. Oui, deux minutes, je vais, je reviens. Avec lui ? Ici ? Lève-moi, non, lève-moi, laissez-moi partir, loin, loin ! Mais ma fille, où veux-tu partir ? Ah, je ne sais pas, loin ! Mais c'est de la folie ! Laissez-moi ! Par pitié ! Devenir folle ou mourir, je n'y résiste plus, il ne me reste rien d'autre à faire ! Mais attends au moins que Fabio le voie, lui parle ! Vois-le toi-même ! Moi, non ! Vous ne comprenez donc pas que vous me faites horreur ! Vous ne comprenez pas que ce que vous voulez faire de moi est monstrueux ! Comment ? Mais si toi-même, ma fille... Ah non, je ne veux pas, je ne veux pas ! Mais bien non, non, si tu ne veux pas, moi non plus, je n'y consens pas. Tu as raison. C'est monstrueux. Ça me fait horreur à moi aussi. Voilà. Est-ce que tu as le courage d'affronter avec moi, tête haute, la situation ? Mais non, de grâce, que dites-vous là, Fabio ? Vous êtes un homme et vous pouvez vous moquer du scandale, vous. Mais nous sommes de pauvres femmes isolées et la honte tomberait sur nous. Il s'agit ici de choisir le moindre de deux mots. Entre la honte devant tous... Et la honte devant un seul, n'est-ce pas ? La mienne seulement. Car il faudra que je reste, moi, avec cet homme. Que je regarde en face. Cet homme qui sait et qui doit être lâche. Lâche pour se prêter à ça. Alors je ne veux pas, je ne veux pas. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Mais où ? Et que veux-tu faire ? Affronter le scandale. Si tu veux cela, alors moi... Moi, alors pour toi, maman, pour toi. Mais non, pas pour moi. Ne pense pas à moi, ma fille. Nous n'avons pas de douleur à nous épargner l'une à l'autre ici, ni à nous sauver. Nous devons rester, souffrir tous trois ensemble, et essayer de nous partager la peine, comme nous avons partagé l'erreur, tous trois ensemble. Oh, pas toi, maman. Mais moi, plus que toi, je souffre plus que toi, je te jure. Ma peine ne se divise pas, ma fille. Allez, calme-toi. Il s'agit d'abord de se rendre compte. Oh, c'est horrible, horrible. Je le sais, mais voyons-le d'abord. Ah bah moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais si nous sommes là avec toi, il n'y a aucune tromperie, nous ne cachons rien. Nous restons là, nous, Fabio et moi, près de toi. Mais il restera ici, te l'imagines-tu ? Ici, toujours entre nous, Fabio, ici. Quelqu'un qui sait ce que nous cachons aux autres. Et lui aussi aura intérêt à le cacher. Pour lui-même, et aussi à lui-même. Et il s'en tiendra au pacte établi, et s'il ne s'y conforme pas, tant mieux pour nous. Au premier manquement à sa parole, j'aurai un motif de le renvoyer. Aussi bien, il ne nous intéressera plus, alors. Comprends-tu ? Mais bien sûr, pourquoi toujours ? Il ne s'agit peut-être que de peu de temps. Mais de très peu de temps. Ça dépendra de nous que cela dure peu. Avoir toujours devant les yeux. Mais attendons, il faut le voir d'abord. C'est immatériellement assuré que... Ah, il y aura moyen, va. Il y aura moyen. Mais tu sais, il est très intelligent et... Oh mon Dieu, ce doit être lui, ton maman, partons. Sois tranquille, Agathe. Monsieur Setti avec un monsieur. Bien, fais entrer. Voilà. Fabio, je te présente mon ami Angelo Baldovi. Le marquis Fabio Colli, mon cousin. Et vous avez à parler. Donc toi, je te verrai à l'hôtel tout à l'heure. Adieu, Fabio. Adieu, Maurice. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur. Avant tout, je réclame une faveur. Je vous en prie, dites. Que vous me parliez ouvertement, monsieur. Mais certainement. Et même, je ne demande pas mieux. Merci. Et peut-être n'entendez-vous pas cette expression « parler ouvertement » comme je l'entends moi-même. Je ne sais pas, moi. Ouvertement, en toute franchise. Mais comment, alors ? Cela ne suffit pas, voilà. Écoutez, inévitablement, monsieur, nous nous construisons. Oui, je m'explique. J'entre ici et deviens immédiatement devant vous celui que je dois être, celui que je peux être. Je me construis. C'est-à-dire que je me présente à vous sous une forme adaptée aux relations que je dois lier avec vous. Et vous faites la même chose, vous qui me recevez. Mais, au fond, à l'intérieur de nos constructions, mises ainsi face à face, derrière les persiennes et les volets, restent bien cachées nos pensées les plus secrètes et nos sentiments les plus intimes. Enfin, tout ce que nous sommes pour nous-mêmes, en dehors des relations que nous avons décidé d'établir. Me suis-je bien expliqué ? Oui, très bien, très bien. Mon cousin m'a dit que vous êtes très intelligent. Et vous croyez peut-être que j'ai voulu vous fournir un petit échantillon de mon intelligence ? Non, pas du tout. Non, je dis ça parce que j'approuve pleinement ce que vous avez su si bien exprimer. Merci. Je pense donc, si vous le permettez, à parler ouvertement. Voilà, j'éprouve depuis quelque temps, monsieur, à l'intérieur, un dégoût indicible des abjectes constructions de moi-même que je dois présenter dans les relations auxquelles je suis contraint avec mes... disons, avec mes semblables, si cela ne vous offense pas. Non, je vous en prie, dites. Et je me vois, monsieur, je me vois perpétuellement et je me dis... Et comme c'est bas, comme c'est indigne ce que tu es en train de faire. Non, voyons, pourquoi ? Et parce que c'est la vérité. Non, vous pourriez tout au plus me demander pourquoi je le fais. Eh bien, mais beaucoup par ma faute, beaucoup aussi par la faute des autres. Et maintenant, par la force des choses, je ne puis faire autrement. Désirer être de telle ou telle façon, monsieur, est bientôt fait. Reste à savoir si ensuite nous pouvons être comme nous voulons être. Nous ne sommes pas seuls. Il y a nous et la bête qui nous porte. On a beau la bâtonner, on ne la réduit jamais à la raison. Allez donc prêcher à un âne de ne pas raser les précipices. Il recevra des coups de nerf de bœuf, des bourrades, mais il y retournera parce qu'il ne peut s'en empêcher. Et après l'avoir rossé, malmené de toutes vos forces, si vous regardez ses yeux douloureux, pardon, n'en aurez-vous pas pitié ? Je dis bien pitié, je ne l'excuse pas. L'intelligence qui excuse la bête s'abrutit, elle aussi. Mais avoir pitié, c'est autre chose. Qu'en pensez-vous ? Certes, certes. Mais si nous en venions à nous ? Et nous y sommes, monsieur. Je vous ai donné toutes ces explications pour vous faire comprendre qu'ayant le sentiment de ce que je fais, je conserve une certaine dignité qu'il m'importe de sauvegarder. Et pour la sauvegarder, je ne vois pas d'autre moyen que de parler ouvertement. Feindre serait odieux, outre que laid et très vulgaire. Non, la vérité... Mais oui, c'est ça. La vérité, clairement. Alors, essayons de nous entendre. Alors, si vous le permettez, je vais questionner. Comment dites-vous ? Que je vais vous adresser quelques demandes, si vous le permettez. Je vous en prie, alors, demandez. Voilà, voilà, j'ai noté ici, monsieur, les indications essentielles de la situation. Puisqu'il s'agit de faire une chose sérieuse, cela vaut mieux pour vous, cela vaut mieux pour moi. Vous êtes, monsieur, l'amant de mademoiselle... Mais non, enfin, voyons, je vous en prie. Ben, vous voyez, vous récalcitrez dès la première question. Oui, naturellement, parce que c'est... Ce n'est pas vrai. Vous dites que ça n'est pas vrai. Non, excusez-moi à mon tour, monsieur, mais je vous ai dit que j'avais ma dignité. Je ne saurais me prêter à une comédie aussi triste qu'humiliante. Oh, pardon, je crois que c'est plutôt à votre façon de... Mais vous faites erreur. Ma dignité, quelle qu'elle soit, ne peut être préservée que si vous me parlez comme à votre conscience même. Ou ainsi, ou rien. Je n'accepte point de rôle inconvenant. La vérité. Voulez-vous me répondre ? Oui. Ah non, de grâce, ne cherchez plus dans Scarlet, je vous en prie. Alors vous faisiez allusion à mademoiselle Agathe Rény. Agathe Rény, précisément, 27 ans. Non, 26. Accompli le 9 du mois dernier, donc dans sa 27e année. Et il y aurait une maman. Tout ça, je ne vois pas. Ah non, c'est par scrupule, monsieur, rien que par scrupule de ma part. Encore une sécurité pour vous, vous me trouverez toujours aussi précis. Mais oui, il y a la mère. Quel âge ? Excusez-moi. Je ne sais pas, 47, 48 ans. Seulement. C'est que, je l'avoue en toute franchise, il vaudrait mieux qu'elle n'y fût pas. La mère est une construction irréductible. Mais enfin, je savais qu'elle existait, donc abondons un peu, disons 50 ans. Vous, monsieur, devez avoir à peu près mon âge. Oui, je suis en mauvais état, je parais plus. Oh, j'ai 40 ans. Mes félicitations, vous les portez à merveille. Et vous savez, peut-être que moi aussi, en m'arrangeant un peu... Non, maintenant, monsieur, il me faut effleurer une autre corde. Très délicate. Ma femme. Et vous en êtes séparés. Et les torts, où je le sais, vous êtes un parfait gentilhomme et qui n'est pas capable d'en faire et destiné à en recevoir. Les torts, donc, sont du côté de votre femme. Vous avez trouvé ici une consolation, mais la vie, triste usurière, nous octroie, en échange de chaque bien qu'elle nous concède, des centaines d'ennuis et de soucis. Que trop ? À qui le dites-vous ? Il faut donc que vous expiez votre consolation. Vous avez devant vous l'ombre menaçante d'une échéance, sans délai. Je viens mettre ma signature au bas de la traite en acceptant l'engagement de payer votre dette. Vous ne pouvez croire, monsieur, quel plaisir j'éprouve à cette vengeance contre la société laquelle nie tout crédit à ma signature. Pouvoir dire... Voilà, un tel a pris à la vie ce qu'il ne devait pas, et maintenant je paye pour lui, parce que si je ne payais pas, une réputation serait perdue, l'honneur d'une famille ferait banqueroute. C'est pour moi, monsieur, une belle satisfaction, c'est une revanche. Croyez que je n'agis pas pour une autre raison. Vous en doutez ? Ah, c'est bien normal, parce que je suis... Non, me permettez-vous une comparaison ? Je vous en prie, dites. Je suis comme quelqu'un qui vient mettre en circulation de l'or sonnant dans un pays qui ne connaît que la monnaie de papier. Au début, on doute de l'or, c'est bien naturel. Vous avez même la tentation de le refuser, non ? Pourtant, c'est de l'or, soyez-en sûr. Il m'a été impossible de le gaspiller parce que je l'ai dans l'âme et non dans les poches, sinon... Mais voilà, monsieur Baldovino, moi je ne demande pas mieux. L'honnêteté, la bonté des sentiments. Il me reste quelques souvenirs de ma famille... Être déshonnête a pu me coûter des sacrifices d'amour-propre, des amertumes sans fin, de la répulsion, du dégoût. Et que voulez-vous que me coûte l'honnêteté. Vous m'invitez doublement, je dis bien doublement, à la noce. En apparence, j'épouserai une femme, mais en réalité, j'épouserai l'honnêteté. Mais oui, c'est ça, très bien. Très bien, mais assez, maintenant. Ça me suffit. Assez? Vous croyez que cela vous suffit? Pardon, mais... Et les conséquences? Comment les conséquences? Que voulez-vous dire? Oh, je vois... Certainement parce que vous souffrez devant moi et vous faites à vous-même une grande violence pour résister à cette situation pénible afin d'en sortir coûte que coûte. Je vois que vous traitez la chose avec beaucoup de légèreté. Mais pas du tout! Comment ça avec légèreté? Non, pardon, monsieur. Mon honnêteté, doit-elle ou ne doit-elle pas exister? Naturellement qu'elle doit exister. C'est l'unique condition que je vous pose. Très bien, parfait. Dans mes sentiments, dans mes actes, dans ma volonté, elle existe. Je la veux, je la sens, je la prouverai. Eh bien? Mais quoi, eh bien? Puisque je vous ai dit que ça me suffisait. Pardon, mais et les conséquences? Non, voyons, monsieur, l'honnêteté telle que vous la désirez de moi, qu'est-ce? Pensez-y un peu. Rien. Une abstraction, une pure forme, disons l'absolu. Or, pardon, si je dois être aussi honnête, il faudra bien que cette abstraction, je la vive en quelque sorte, que je donne corps à cette forme pure, que j'éprouve en moi cette honnêteté abstraite et absolue. Et alors, quelles seront les conséquences? Mais la première de toutes, voyez, celle-ci, que je devrais être un tyran. Un tyran? Par force, sans le vouloir. Non, en ce qui concerne la pure forme, entendons-nous bien, le reste ne m'appartient pas. Mais en ce qui concerne la pure forme, honnête comme vous me voulez et comme je me veux, de toute nécessité, je devrais être un tyran, je vous y rends bien attentif. J'imposerai que soient respectées jusqu'au scrupule toutes les apparences. Ce qui comportera nécessairement de très graves sacrifices pour vous, pour Mademoiselle Rény, pour sa mère. Une limitation extrêmement stricte de la liberté. Le respect de toutes les conventions de la vie sociale. Et alors, parlons franc, monsieur, afin de vous prouver que je suis animé des plus fermes intentions. Savez-vous ce qui résultera immédiatement de tout cela? Ce qui s'imposera entre nous et sautera aux yeux de tous? Cette conséquence, ne vous faites pas illusion, que traitant avec moi, honnête homme comme je le serai, la mauvaise action, c'est vous autres qui la commettrez et non plus moi. Moi, dans toute cette affaire, pas très belle, je ne vois qu'une seule chose. L'occasion que vous m'offrez et que j'accepte d'être honnête. Bien, très bien, monsieur Bordeaux. Vous comprenez, vous-même l'avez reconnu, je ne me trouve pas dans l'état et en mesure de vous répondre. Là. Mais vous parlez à merveille, mais de grâce, je vous touche en terre, je vous en prie. Moi, terre? Et je ne puis pas. Mais comment vous ne pouvez pas? Je ne puis pas à cause des conditions même où vous me mettez. Je dois par force nager dans l'abstraction. Gare si je touchais terre. La réalité n'est pas faite pour moi, gardez-la pour vous. Touchez-la, vous parlez, je vous écouterai. Je serai l'intelligence qui n'excuse pas, mais à compassion... Oui, de la bête! Excusez et conséquences. Bon, alors c'est très bien, monsieur. Alors, maintenant, écoutez-moi, monsieur Baldovino, c'est moi qui parle. C'est la bête qui parle, terre à terre, sans façon, vous savez. Bon, vous écoutez avec compassion, mais simplement pour nous entendre. Vous voulez dire vous entendre avec moi? Naturellement, avec vous. Avec qui, voulez-vous? Ah non, monsieur, c'est avec vous-même qu'il faut vous entendre. Pour moi, j'ai déjà tout très bien compris. Si j'ai tant parlé, je n'ai pas l'habitude de t'en parler, vous savez. Si j'ai tant parlé, c'est parce que je voudrais que vous vous rendiez bien compte de tout. Moi? Vous, pour moi, c'est déjà fait, c'est très simple. Que dois-je faire, moi? Rien. Je représente la forme. L'action, pas très belle, c'est vous qui la commettez. Vous l'avez déjà commise et je la dissimule. Vous continuerez de la commettre et je la cacherai. Mais pour bien la cacher, dans votre propre intérêt, et dans l'intérêt surtout de Mademoiselle Rény, il faudra que vous me respectiez. Et cela ne vous sera pas facile dans le rôle que vous vous réservez. Que vous respectiez, dis-je, non pas à proprement parler moi, mais la forme que je représente, celle d'honnête mari d'une femme honorable. Ne voulez-vous pas la respecter? Oh, si, bien sûr. Et ne comprenez-vous pas que cette forme sera d'autant plus rigoureuse et tyrannique que vous voudrez mon honnêteté plus pure? Et voilà pourquoi je vous disais de faire bien attention aux conséquences, non pour moi, pour vous. Moi, j'ai de bons vers pour ma petite philosophie. Et afin de préserver en pareille circonstance ma dignité, il me suffira de voir dans la femme qui, de nom, sera la mienne, une mère. Eh bien, mais voilà, c'est ça, très bien. Et de considérer mes rapports avec elle à travers la petite créature qui naîtra, c'est-à-dire à travers le rôle qu'il m'est donné de remplir, rôle candide, très noble, pénétré de l'innocence du nouveau-né ou de la nouvelle-née attendue. Cela va comme ça. Mais ça va, c'est très bien. Prenez garde, très bien, pour moi, non pour vous. Plus vous approuvez, plus vous allez au-devant d'un monde d'ennui. Pourquoi vous... Je n'aperçois rien de toutes ces difficultés que vous imaginez. Je crois de mon devoir de vous les souligner. Voilà, vous êtes, monsieur, un parfait gentilhomme. Un concours de circonstances, de hasard, vous oblige à ne pas vous conduire honnêtement. Mais vous ne pouvez vous passer de l'honnêteté. C'est si vrai que, ne pouvant la trouver en ce que vous faites, vous la voulez en moi. Je dois représenter, moi, votre honnêteté. C'est-à-dire être l'honnête mari d'une femme qui ne peut pas être votre épouse, l'honnête père d'un nouveau-né qui ne peut pas être votre fils. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Mais si l'épouse est la vôtre et non la mienne, si le fils est le vôtre et non le mien, ne comprenez-vous pas qu'il ne suffira plus que moi seulement je sois honnête? Vous devrez être honnête, vous aussi, monsieur, devant moi, par force. Honnête moi, honnête tous, par force. Ah non, mais attendez, je comprends plus très bien. Vous sentez la terre vous manquer sous les pieds? Mais non, non, pas du tout. Je veux dire que... Enfin, si les conditions doivent changer... Mais par force, c'est vous-même qui les changez. Ces apparences à sauver ne sont pas seulement pour les autres. Il y en aura une ici aussi pour vous. Une que vous-même aurez voulu et à laquelle, justement, je devrais donner corps. Votre honnêteté, y pensez-vous? Prenez garde que ce n'est pas facile. Mais si vous savez... Mais justement parce que je sais... Non, je parle contre mon intérêt, mais je ne puis m'en empêcher. Je vous conseille de bien réfléchir encore. C'est évident que... Vous comprendrez que c'est... Non. Mais oui, croyez-moi, il vaut mieux que vous réfléchissiez encore un peu sur ce que je vous ai dit et consultiez, si vous le croyez, Mademoiselle Rény. Encore que peut-être ce ne sera pas nécessaire parce que... Que voulez-vous dire? Oh mon Dieu, ce serait bien naturel. Je me retire, monsieur. Vous me communiquerez ou me ferez communiquer à l'hôtel votre décision. En tout cas, vous pouvez être assuré, ainsi que Mademoiselle Rény, de mon entière discrétion. J'y compte. J'ai personnellement sur la conscience bien d'autres fautes. Et ici, pour moi, il n'y a pas une faute, mais un malheur. Quelle que soit l'issue, croyez que je serai toujours reconnaissant, en secret, à mon ancien camarade de collège, de m'avoir estimé digne de m'approcher honnêtement de ce malheur. Monsieur. Monsieur. Salon de la maison Baldovino. Il est vaste et cossu. Marc Fongi, chapeau à la main, parle à Baldovino resté dans la pièce voisine, avant de refermer la porte derrière lui. Merci. Merci, Baldovino. Oui, c'est avec joie que j'assisterai à cette petite fête candide. J'en reviendrai tout à l'heure avec les amis conseillers. Oui. Au revoir. Tu crois, vraiment? Il a donné dans le panneau. Il y a donné. Ah oui, il me semble aussi. Voilà déjà plus de 6 jours. 300 000 francs. Je te l'avais dit, ça ne pouvait pas manquer. Ça sera une scène de comédie. Mais laissez-moi faire. Nous l'attraperons délicatement par le collet. Fongi et Fabio sortent, entre Maurice et Baldovino, très élégant. Sais-tu que tu t'es joliment bien installé? Oui. avec une parfaite correction. Bon, alors raconte, où as-tu été? Un peu au hasard, hors des chemins battus. Toi? Oui, pourquoi, tu n'y crois pas? Hors des chemins battus dans le sens que tu n'auras pas été à Paris, ni à Nice, ni au Caire. Où as-tu été? Au pays du caoutchouc et des bananes. Au Congo? Oui, et dans les forêts, authentiques. Et des bêtes féroces, tu en as vu? Bon, les pauvres nègres, des... Non, je parle des vraies bêtes féroces, des tigres, des léopards. Oh ben merci alors. Oh pardieu, comme tes yeux brillent. Baldovino contemple ses ongles. Vois-tu où nous en sommes arrivés? Et ce n'est pas pour nous désarmer que nous les taillons, bien au contraire. C'est pour rendre nos mains plus civiles. Autrement dit, aptes à une lutte bien plus féroce que celle que menaient nos aïeux, les pauvres, avec leurs seuls ongles. Voilà pourquoi j'ai toujours envié les bêtes fauves. Et toi, malheureux, tu vas dans les forêts, tu n'y rencontres même pas un loup. Alors, parlons de toi. Comment ça va-t-il? Quoi donc? Eh bien, mais... Je veux dire, ta femme... Enfin, Madame Baldovino. Comment veux-tu que cela aille? Très bien. Je veux dire... Tes rapports... Que veux-tu qu'ils soient? Pourtant, je te trouve très bien, tu sais. Oui, je m'occupe. Ah oui, c'est vrai. Fabio a fondé une société anonyme. Oui, pour me mettre la main à la pâte. Et elle fait d'excellentes affaires. J'en ai l'administrateur délégué. Elle fait d'excellentes affaires parce que j'en suis l'administrateur délégué. Ah, en effet, je l'ai appris. Je voudrais y entrer, mais on dit que tu es d'une rigueur épouvantable. Ah, parbleu, je ne vole pas. Et tu sais, par les mains des centaines de mille, pouvoir les considérer comme des chiffons de papier, ne plus en sentir le besoin, le moindre besoin. Pour toi, ça doit être un grand plaisir. Ça. Divin. Et pas un coup raté, tu sais, mais on travaille, hein, on travaille et il faut que les autres me suivent. Ah oui, c'est en effet, oui, c'est cela d'ailleurs. Quoi, ils se plaignent? Non, dis un peu, ils crient, ils rongent leur faim. Ben, ils disent... ils disent que tu pourrais être un peu moins méticuleux, voilà. Ah oui, je sais, je les suffoque tous. Quiconque m'approche... Mais tu le comprendras, je ne peux pas l'éviter. Depuis 10 mois, je ne suis plus un homme. Non, et qu'est-ce que tu es alors? Et je te l'ai dit, presque une divinité. Non, mais tu pourrais le comprendre, je n'ai de corps qu'en apparence. Je suis plongé dans les chiffres, dans les spéculations, mais pour les autres, il n'y a pas. Je ne veux pas qu'il y ait un centime pour moi. Alors j'habite ici, dans cette belle maison, et je ne vois, je n'entends, je ne touche presque rien. Je m'étonne moi-même parfois d'ouïr le son de ma voix, le bruit de mes pas, de remarquer que j'ai besoin moi aussi de boire un verre d'eau, de me reposer. Je vis, comprends-tu, délicieusement, dans l'absolu d'une pure forme abstraite. Oui, enfin, tu pourrais éprouver un peu de compassion pour les pauvres mortels. Mais j'en éprouve, mais je suis navré, je les plains, crois-moi, mais comprends-le, je ne puis faire autrement, je dois les suffoquer tous, par force. Mais je l'avais dit, tu sais, j'y avais rendu bien attentif auparavant ton cousin, le marquis. Moi, je m'en tiens à notre pacte. Oui, avoue que tu y trouves une joie diabolique. Pas diabolique, non. Suspendu dans les airs, je me suis comme installé sur un nuage. C'est la joie des saints dans les fresques d'église. Oui, en attendant, tu comprendras qu'il est guère possible que les choses durent longtemps comme ça. Eh oui, je le sais, tout cela finira. Et peut-être bientôt. Mais qu'ils prennent garde, il faudra voir comment. Je le dis dans leur intérêt. Ouvre bien les yeux à ton cousin, il me semble qu'il désire trop se défaire de moi au plus vite. Quoi, cela te trouble, tu sais quelque chose? Ah non, ça je ne sais rien. Alors sois sincère, mais je compatis notre bien, c'est si naturel. Ah non, mais je t'affirme que je ne sais rien. J'ai parlé avec Madame Madeleine, mais je n'ai pas encore vu Fabio. Je comprends. Tous deux, la mère et ton cousin, se sont dit, nous la marions pour la forme, après un temps plus ou moins long, nous trouverons un prétexte à nous débarrasser de l'autre. Ça aurait été en effet la chose la plus souhaitable. Mais ils ne peuvent pas l'espérer. Ils ont été d'une légèreté déplorable. Même en cela. Mais ce sont des choses que tu imagines, ça qui te le dit. Oh, c'est si vrai qu'ils ont posé comme condition fondamentale mon honnêteté. Alors, tu vois bien. Mais comme tu es sot. Mais la logique est une chose, mon cher, l'âme en est une autre. On peut, par cohérente logique, proposer une chose et avec l'âme en espérer une autre. Or, crois-moi, il me serait possible de me sacrifier à l'instant même pour leur rendre service à lui et à elle, en leur offrant un prétexte à se débarrasser de moi, mais qu'ils ne l'espèrent pas parce que... Oui, oui, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas pour eux. Je ne le ferai pas parce qu'ils ne peuvent absolument pas désirer que je le fasse. Ah mais tu es terrible, alors tu leur nies la possibilité de désirer que tu commettes une mauvaise action. Réfléchis. Supposons que je la commette. Bon, d'abord, ils respireraient. Ils se débarrasseraient de la gêne opprimante que représente ma personne. L'honnêteté ayant fait faillite avec moi pourrait, sinon entièrement, du moins en partie, être restée avec eux. Madame serait l'épouse légitime séparée d'un mari indigne, et dans cette indignité du mari, elle pourrait trouver une excuse, jeune comme elle est, à se faire consoler par un vieil ami de la maison. Ce qui n'était pas permis à une jeune fille devient facilement pardonnable à une femme déliée de toute obligation de fidélité conjugale. Cela va ? Moi, donc, mari, je pourrais être malhonnête et me faire chasser d'ici. Mais je ne suis pas entré ici seulement comme mari. Même comme simple mari, je n'y serais jamais entré. On n'avait nul besoin de moi. Si l'on avait besoin de moi, c'est que ce mari devait peu après être père. Peu après, c'est-à-dire juste à peine à temps. Donc ici, on avait besoin d'un père. Et le père, le père, dans l'intérêt de monsieur le marquis lui-même, doit par force être honnête. Parce que si, comme mari, je puis m'en aller d'ici sans faire aucun tort à ma femme, laquelle, perdant mon nom, reprendrait aussitôt le sien, comme père, ma mauvaise action nuirait par force à mon fils, qui n'aura pas d'autre nom que le mien. Plus je tomberai bas, plus il en supporterait le dommage. Et cela, l'autre ne peut absolument pas le vouloir. Ben non, certes. Tu vois donc bien. Et pour tomber bas, j'y tomberai, tu me connais. Je me vengerai de la mauvaise action qu'il ferait en me chassant d'ici, en exigeant l'enfant qui légalement m'appartient. Je leur laisserai d'abord 2 ou 3 ans pour qu'ils s'y attachent fort. Puis je prouverai que ma femme vit en adultère avec son amant et je leur enlèverai le petit que j'entraînerai avec moi dans la boue. Et tu sais que je cache en moi une horrible bête dont j'ai tenté de me débarrasser en l'enchaînant dans les conditions que l'on m'offrait. Il est de leur intérêt de me les faire respecter, comme j'en ai la ferme volonté. Parce que si je m'en échappais aujourd'hui ou demain, je ne sais réellement pas jusqu'où je pourrais aller. Bon, assez. Dis un peu, ils t'ont envoyé ici à peine débarqué. Allons, courage, demande-moi ce que tu as à me demander. Mais dépêche-toi, je t'ai déjà accordé plus de temps que je n'aurais dû. Tu sais qu'il y a le baptême du bébé ce matin. Avant le repas, j'ai une réunion avec les conseillers invités. Alors, c'est ton cousin qui t'envoie ou la mère? Non, justement, c'est à propos du baptême du petit, là. Ouais. Ce prénom que tu voudrais lui imposer. Ah, je sais. Hein, pardon, mais tu ne trouves pas que... Ah, je sais, pauvre petit, c'est un prénom trop gros. Il risque presque d'en rester écrasé. Sigismond. Ah. C'est un nom traditionnel dans ma famille. Mon père se nommait ainsi, mon grand-père se nommait ainsi. Mais veux-tu avouer que pour eux, ça n'est pas une raison très valable. Mais moi non plus, tu sais, je n'y aurais jamais pensé, mais pardon, est-ce ma faute si... Mais prénom affreux, oui, ridicule, et surtout pour un bébé. Et je t'avoue entre nous que si je l'avais eu moi-même, je ne l'aurais probablement pas appelé ainsi. Ah, tu vois. Mais qu'est-ce que je vois? C'est justement cela qui te prouve que je ne puis pas maintenant agir autrement. Nous en revenons toujours au même point. Ce n'est pas pour moi, mais pour la forme. Et pour la forme, comprends-le, puisqu'il faut lui donner un nom, je ne peux réellement lui donner que celui-là. Non, c'est inutile, mon cher, tout à fait inutile qu'ils insistent. Je regrette, mais je ne transigerai pas. Tu peux le leur répéter. Mais qu'ils me laissent travailler, bon Dieu, quelle futilité. Non, navré, mon cher, de t'accueillir ainsi, mais au revoir, hein, au revoir. Baldovino sort. Entre Fabio et Madeleine, devant qui Maurice s'incline pour prendre congé. Vous vous en allez? Bah, laissez-le partir. Je ne sais pas où il trouve le courage de se présenter devant moi. Bah, tu ne me regarderas plus en face. Et madame, votre fille? Elle est de ce côté, elle s'occupe du bébé. Je lui ai là de ma part. Et priez-la de me pardonner. Oh, elle, maintenant, du moins, elle a l'enfant. Ah oui, elle s'amusera avec son enfant. À peine l'autre commence à exercer sur lui son système de vexation. Oh, mais c'est cela, ma terreur. Il a déjà inauguré avec le prénom. Croyez-le, depuis 10 mois, nous ne respirons plus. Mais figurons-nous comment il voudra l'élever. Oh, c'est terrible. Nous ne pouvons plus même lire un journal. Non ? Pourquoi ? Il a certaines idées sur la presse. Mais il est désagréable à la maison, cassant. Quoi ? Pire ! Très poli. Il sait dire les choses les plus dures pour nous d'une manière, avec des arguments si imprévus qui semblent à l'écouter si irréfutables que nous sommes toujours obligés de faire comme il veut, lui. C'est un homme épouvantable, épouvantable, ce type. Et plus l'ombre d'une force, j'ai même plus le courage de respirer. Ma pauvre dame, moi je ne sais que vous dire. Ça, je suis absolument anéanti. Ah non, je n'aurais jamais cru. Ah, écoutez-ci, je t'en prie. Moi, je ne peux pas m'en aller parce qu'il y a un baptême. Mais toi, file, file. Tu ne comprends pas que je ne peux plus t'entendre excuser, que je ne peux plus te voir devant moi. Oui, mais tu as raison, je m'en vais. Monsieur le curé de la paroisse Sainte-Marthe. Oh, faites entrer. Au revoir, chère madame. Vous ne voulez pas assister au baptême? Non, vraiment. Vous voulez vraiment partir? Vous feriez plaisir à Agathe. Du respect, monsieur le curé. Soyez le bienvenu, veuillez vous asseoir, monsieur le curé. Comment allez-vous? Comment allez-vous, madame? Oh, cher monsieur! Bonjour, monsieur le curé. Je suis venu, madame, pour convenir des dernières dispositions. Merci, monsieur le curé. Nous avons déjà reçu l'enfant de cœur que vous nous avez envoyé. Ah, bien, bien! Oui, oui, nous avons tout préparé de ce côté en y joignant les ornements qu'il nous apportait de l'église. Ah, il en est résulté un chef-d'œuvre, vous savez, délicieux, tout à fait délicieux. Je vais vous conduire pour admirer. Et madame Baldovino? La fais appeler. Oh non, non, si elle est occupée. Alors, je voulais savoir si elle se portait bien. Oh, très très bien, tout à fait bien maintenant, je vous remercie. Vous comprenez, elle appartient tout à son enfant. Je me l'imagine. Elle ne le quitte plus un instant. Et c'est monsieur le marquis qui sera parrain. Ça, oui, précisément. Oui, et moi la marraine. Oh, cela va de soi. Et pour le prénom, c'est celui-là qui reste fixé. Hélas, que trop. Mais que trop. Pourtant, au fond, vous savez, c'est un beau saint, un roi. Je m'occupe modestement de la géographie. Oh, monsieur le curé, vous êtes un savant. Oh, oh, oh, non, non, non, je vous en prie, non, pas cela. J'étudie avec amour, oui. Saint Sigismond fut roi de Bourgogne et eut pour femme Amalberg, fille de Théodoric. Plus tard, resté veuf, il eut le malheur d'épouser une demoiselle d'honneur de la reine, une perfide qui, par d'infâmes manœuvres, lui fit commettre, eh oui, le plus atroce des crimes sur son propre fils. Mon Dieu, sur son propre fils? Et que lui fit-il? Ah, il l'étrangla. Vous avez compris? Oh, mais il se repentit, vous savez. Immédiatement. Et en expiation, il se voua aux pratiques de la plus stricte pénitence. Il se retira dans une abbaye, il revêtit la bure, et ses vertus et son supplice, supportés avec une sainte résignation, le firent honorer comme un martyr. Il subit aussi le supplice? En 524, si je ne me trompe. Un beau saint. Hein, il étrangle son fils et il meurt décapité. Mais souvent, les plus grands pécheurs deviennent les saints les plus remarquables, monsieur le marquis. Et croyez que celui-ci fut aussi un sage. On lui doit le code des Bourguignons. Ah, la fameuse loi Gombette. À la vérité, c'est une opinion combattue, mais moi, je me déclare pour Savigny, qui la soutient. Ah oui. Ah oui. Ah oui, moi, je me range du côté de Savigny. Ben pour moi, mon père, l'unique consolation, c'est de savoir que je pourrais l'appeler par le diminutif. Mon. Voilà, voilà. Mon. Mais c'est parfait. Pour un enfant, mon cadre à merveille, n'est-ce pas, monsieur le marquis ? Mais oui, très bien, oui. Veuillez avertir monsieur que monsieur le curé est ici, s'il peut venir un instant. Mon. Oui, mais reste à savoir si lui le permettra. Mais voilà, justement. Après tout, si monsieur Baldovino tient au nom de son père, il faudra avoir de la patience. Donc, que reste-t-il convenu pour l'heure ? Mais c'est encore lui qui doit décider de cela, monsieur le curé. Oh, mon révérend, monsieur le curé, très honoré de votre visite. Restez assis, je vous en prie. L'honneur est pour moi, monsieur Baldovino, merci. Nous vous avons dérangé. Que dites-vous de grâce, non, je suis vraiment heureux de vous voir chez moi. Et que puis-je faire pour vous rendre service ? Une faveur. Nous voudrions prendre accord pour l'heure du baptême. Et quand vous voudrez, monsieur le curé, à votre entière disposition. La marraine est là, le parrain est là, je crois que la commère est par ici, je suis prêt. L'église est à deux pas. Comment ? Pourquoi ? Ah non, voilà... Monsieur Baldovino, nous avions préparé... Mais comment, vous ne le saviez pas ? Mais oui, tout est prêt par là. Prêt, quoi donc ? Pour le baptême. Nous pensions le célébrer à la maison, afin de rendre la fête plus imposante. Monsieur le curé lui-même a envoyé les sarlements d'église. Afin de rendre la fête plus imposante, excusez-moi, monsieur le curé, mais je ne m'attendais pas à vous entendre parler ainsi. Non. Donc voilà, je voulais dire que dans notre ville, c'est l'usage, vous savez, pour les gens riches, de célébrer cette fête à la maison. Et ne vous plairait-il pas, monsieur le curé, que l'un d'eux donna l'exemple de cette humilité grâce à laquelle il n'y a ni riche ni pauvre devant Dieu ? Mais personne ne songe à offenser Dieu en célébrant un baptême en famille. Mais que diable ! Pardon. Il semble que tu prennes plaisir à tout gâter en créant toujours des obstacles à ce que proposent les autres. T'es curieux, ensemble, que ce soit toi, justement toi qui te mêles de ces choses-là, et nous fasse la leçon. Bon, je t'en prie, mon cher ami, ne m'oblige pas à faire la grosse voix. Est-ce que par hasard tu voudrais ma profession de foi ? Non, je ne veux rien du tout. Si cela te semble une hypocrisie de ma part... Mais je ne l'ai pas dit hypocrisie, j'ai dit parti pris, pardon. Si tu veux entrer dans mon sentiment, qu'en sais-tu ? Mais j'admets que je ne devrais accorder aucune importance à cet acte que pourtant vous voulez tous célébrer, le baptême. Mais raison de plus, alors ! Si cet acte n'est pas pour moi, mais pour l'enfant... et que je reconnais comme vous qu'on doit le célébrer pour lui, bien je maintiens qu'on doit le faire en bonne forme. C'est-à-dire que l'enfant, sans aucun privilège qui offenserait l'acte même qu'on lui fait accomplir, doit aller à l'église sur les fonts baptismaux. Non, c'est plutôt moi qui trouve curieux, excusez-moi, que vous m'obligiez à dire toutes ces choses devant monsieur le curé, lequel ne peut pas ne pas convenir combien un baptême célébré simplement à son siège divin contient plus de dévotion, plus de solennité. N'est-ce pas, monsieur le curé ? Certes, sans aucun doute. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul, puisqu'il s'agit de l'enfant qui, avant tout, appartient à la mère. Écoutons-la d'abord. Mais nous ne parlerons ni vous ni moi. Nous laisserons parler monsieur le curé. Priez madame de bien vouloir venir un moment. Non, voilà, non. Vraiment, je préférerais que vous parliez vous-même, monsieur Baldovino, vous qui parlez si bien. Non, voyez, au contraire, je me retire. Vous exposerez, vous, mes arguments, vous exposerez les vôtres. La mère pourra décider ainsi en toute liberté et l'on fera comme elle aura décidé, elle. La voilà. Oh, monsieur le curé. Mes félicitations, madame. Madame. C'est pour décider au sujet du baptême. Mes respects, révérend. Mes respects, monsieur Baldovino. Et tout n'est-il pas décidé ? Moi, je ne sais rien. Oui, tout est prêt par là. Tout si bien. Seulement, il y a une nouvelle histoire. Et monsieur Baldovino, en effet... Il ne veut plus que le baptême se fasse à la maison. Pourquoi ne veut-il plus ? Oh, mais parce que, dit-il... Non, permettez ! À parler exactement, il n'a pas dit qu'il ne voulait pas. Il veut que ce soit vous qui décidiez, madame. Parce que, a-t-il ajouté, l'enfant appartient d'abord à la mère. De sorte que si vous souhaitez que le baptême soit célébré à la maison... Oui, comme nous étions convenus, n'est-ce pas ? Pour moi, en réalité, je n'y vois rien de mal. Enfin, ça s'est fait dans tant de maisons. Je l'ai bien fait remarquer à monsieur Baldovino. Eh bien, je me demande ce qui me reste à décider. Voilà. Monsieur Baldovino a fait observer, justement, il faut le reconnaître avec un sens de respect tout à son honneur, que le baptême aurait certes plus de solennité célébré à l'église, son siège divin, pour ne pas offenser. Oh, il a prononcé une phrase vraiment belle. Sans aucun privilège, a-t-il dit, qui offenserait l'acte même que l'on fait accomplir à l'enfant en tant que principe. En tant que principe. Bien donc, si vous approuvez. Oh, madame, en tant que principe, je ne puis pas ne pas approuver. C'est bien qu'on fasse comme il veut, lui. Comment ? Toi aussi, tu approuves, ma fille ? Oui, j'approuve, maman. Mais en tant que principe, je répète, madame, m'ensuite. Il n'y aurait aucune offense. Oh, certes, aucune. Quelle offense ? Il n'y a que le plaisir de gâter une fête. Enfin, si madame elle-même décide ainsi. Oui, monsieur le curé, je décide ainsi. Alors, c'est parfait. L'église est à côté, il suffit de me faire appeler. Mes hommages, madame. Madame. Je vous accompagne. Ne vous dérangez pas, je vous en prie. Monsieur le marquis. Compliment, monsieur le curé. Non, non, de mais quoi, ne vous dérangez pas, je vous en prie. Regarde. Au nom du ciel, ne pousse pas ma patience à bout. Assez. Je te prie. Alors encore. Encore comme il veut, lui. Si encore une fois, ce qu'il veut, lui, est juste. Non, mais tout a été parole d'évangile pour toi, depuis le premier jour où on nous l'a jeté dans les jambes. Ne recommençons pas à discuter ce qui fut établi. À cette époque, nous étions tous d'accord. Et parce que je vois que c'est toi, maintenant. Toi. Le pire a été pour toi de vaincre l'horreur de la première impression. Et tu l'as vaincu en écoutant cacher les paroles qu'il prononçait. Et maintenant, voilà, tu acceptes tranquillement, comme ça, tout ce qui fut établi alors. Et que je n'acceptais que pour te calmer. C'est toi, maintenant. Toi. Parce que lui, c'est. Que sait-il? Tu vois, tu tiens à lui. Tu tiens à ce qu'il sache qu'entre nous deux, il n'y a plus rien depuis ce temps. Je tiens à moi. À lui. À lui. Non, c'est pour moi-même que je ne puis souffrir qu'il s'imagine autre chose. Mais oui, pour son estime que tu désires. Comme s'il ne s'était pas prêté à ce pacte entre nous. À mon sens, parler ainsi signifie simplement que la honte, s'il y en avait une, retomberait sur nous, autant que sur lui. Tu la voudrais pour lui, je ne la veux pas pour moi. Mais moi, je veux ce qui m'appartient, Agathe. Ce qui devrait m'appartenir encore. Toi. Toi. Non. Non, laisse-moi. Laisse-moi partir. Je te l'ai dit, si d'abord tu... Eh bien, ce sera aujourd'hui même. Je le chasserai comme un voleur, aujourd'hui. Aujourd'hui même. Comme un voleur ? Oui, comme un voleur, comme un voleur. Il est tombé dans le panneau. Il a volé. Bien sûr. Mais oui, il a plus de 300 000 francs en poche. Et nous le chasserons. Aujourd'hui même. Et tu seras de nouveau à moi, Agathe. À moi. À moi. Je demande pardon. Mon Dieu, monsieur, c'est moi qui suis entré et cela ne fait rien, mais songez-y, le domestique pouvait venir. Une autre fois, fermez les portes, je vous le recommande. Il n'y avait aucun besoin de fermer les portes. Je ne parlais pas pour moi, madame, je le disais au marquis, pour vous. Je l'ai dit moi-même au marquis, qui du reste devra maintenant s'entendre avec vous. Avec moi, volontiers, sur quoi ? Demandez-le à vous-même. À moi-même ? Et quoi donc ? Parlez. Non, pas maintenant. Je veux que vous lui disiez maintenant, devant moi. Non, il faut attendre. Monsieur a peut-être besoin de témoins. Mais besoin de personne ! Vous avez empoché 300 000 francs. Ah non, davantage. Ah. Il s'agit de plus, il s'agit de 563... Attendez. 563 728 francs et 60 centimes. Plus d'un demi-petit million, monsieur. Vous m'estimiez trop peu. Mais qu'il soit ce qu'il soit, peu m'importe. Vous pouvez les garder, vous en allez. Trop de hâte, monsieur. Trop de hâte. Vous avez motif d'être impatient, ce qui me semble, mais justement pour cette raison, prenez garde que le cas est beaucoup plus grave que vous ne l'imaginez. Non, non, il serait temps de quitter ses grands airs, maintenant. Des grands airs. Je prierai madame de se rapprocher et de vouloir bien m'écouter un moment. Si vous voulez vous donner le plaisir de m'appeler voleur, nous pourrons nous entendre aussi sur ce sujet. Même il vaut mieux que nous nous entendions sur le champ. Mais je vous prie de considérer d'abord que ce n'est pas juste. En premier lieu, pour moi. Voilà. De ces comptes, vous le verrez, monsieur, il résulte que les 500 000 francs et plus sont inscrits comme épargne et gains imprévus de votre société. Mais cela ne fait rien, on peut y remédier. Oui, selon eux, madame, j'aurais pu tout empocher si j'étais tombé dans le piège qu'ils m'ont fait tendre par un certain bonhomme louche, ce sieur Marc Fongi, qui est encore venu ce matin. Oh, je reconnais que le piège était tendu avec assez d'habileté. Oui, vous n'entendez pas grand-chose à ces affaires, madame, mais il m'avait combiné une embuscade grâce à laquelle devait résulter en ma faveur un excédent de gains dont j'aurais pu m'emparer tranquillement, certain que personne ne s'en serait aperçu, sauf qu'à peine y fussé-je tombé en prenant cet argent, que ceci m'aurait attrapé la main dans le sac. C'est bien ainsi, n'est-ce pas? Vous avez fait cela? Oh non, madame, non, il ne faut pas s'en indigner. Quand vous lui adressez une telle question avec tant de hauteur, songez que ce n'est pas lui, mais moi qui me sens coupable. Parce que cela veut dire que la condition de cet homme est devenue intolérable. Si sa position est devenue intolérable, la mienne, par conséquent, le devient aussi. Pourquoi la vôtre? Mais parce que... Parce que... Parce que si je deviens un homme devant vous, madame, je ne pourrais plus. Il m'arriverait la chose la plus triste qu'on puisse imaginer. Je ne serais plus capable de lever les yeux pour soutenir le regard d'autrui. Allons, allons, oui. Il s'agit ici de prendre au plus vite une résolution. Oui, j'ai pu croire que ce matin, je me serais amusé à traiter en gamin, messieurs les conseillers, ce Marc Fongi et vous aussi, monsieur, qui vous étiez imaginé mettre en souricière un homme comme moi. Mais maintenant, je pense que si vous avez pu recourir à ce moyen de me chasser d'ici comme voleur pour vaincre sa résistance, sans même considérer que la honte d'être chassé d'ici comme voleur devant 5 étrangers serait retombée sur l'enfant, eh bien donc je pense que la volupté de l'honneur devient pour moi bien différente. Déchirez-les, il constitue l'unique preuve en ma faveur. L'argent est dans la caisse jusqu'au dernier centime. Mais il faudra que vous le voliez. Vous. Moi? Vous. Vous. Vous êtes fou? Voulez-vous faire les choses à moitié, monsieur? Je vous ai pourtant démontré que me voulant honnête, il devrait par force résulter ceci, que la mauvaise action, ce serait vous qui la commettriez. Alors vous n'avez qu'à voler cet argent, c'est moi qui passerai pour voleur et je m'en irai parce que vraiment je ne peux plus rester ici. C'est de la folie. Aucune folie, que l'on je raisonne pour vous et pour tous. Je ne dis pas que vous devez m'envoyer au bagne, vous ne le pourriez pas. Vous volerez seulement l'argent pour moi. Que dites-vous? Ne vous offensez pas, c'est une parole, vous ferez très belle figure. Vous supprimerez à un moment l'argent de la caisse pour faire croire que je l'ai volé moi, puis vous le remettrez aussitôt, afin naturellement que vos associés ne souffrent aucun dommage de la confiance qu'ils m'ont accordée par égard pour vous, rien de plus clair. Le voleur restera moi. Non, non, cela non! Mon enfant. Mais c'est une nécessité, madame. Ah non, je ne veux pas, je ne peux pas l'admettre. Messieurs les conseillers et monsieur Fongi. Remettons cette discussion de même. Non, je suis décidé et prêt dès maintenant. Et moi, je vous dis que je ne veux pas. Vous comprenez, je ne veux pas. Mais plus que jamais pour cette raison, madame. On peut entrer? On peut entrer? Marc Fongi et les quatre conseillers entrent quand paraît par une autre porte, le cortège du baptême. Baldovino. Baldovino, vêtu du costume à l'allure négligée qu'il portait en arrivant dans la maison Regni, et Madame Madeleine. Vous devriez comprendre que vous n'en avez pas le droit. Il ne s'agit plus de vous, ni du marquis, plus même d'elle. Mais de l'enfant. De l'enfant. Que voulez-vous que cela me fasse, à moi, l'enfant? Oh Dieu, c'est vrai. Mais je vous rappelle ce que vous-même disiez, et pour l'enfant, justement. Le dommage qui en résulterait par lui. Cinq paroles qui se sont gravées dans le cœur de ma fille et qui maintenant, vous devriez le comprendre, la font saigner, elle qui maintenant n'est plus que mère, mère seulement. Et moi maintenant, madame, je n'y comprends plus rien. Mais ce n'est pas vrai, puisque vous l'avez fait remarquer hier, vous-même, au marquis. Quoi donc ? Qu'il n'aurait pas dû faire cela pour l'enfant. Moi, mais non, peu m'importe que le marquis l'ait fait, je savais bien qu'il le fait. Et vous le saviez aussi, du reste. Moi ? Ah, moi non, ça je vous le jure. Comment non ? Pourquoi donc alors aurait-il monté cette société anonyme ? Pourquoi ? Je suppose, pour vous occuper. Ouais, et pour m'éloigner de la maison. Oui, d'abord, il n'a pas eu d'autre motif. Il espérait qu'ayant une plus grande liberté ici, pendant que je serais occupé autre part, votre fille... Non, non, pas Agathe. Lui, certes, l'aura fait pour cela, mais je peux vous affirmer qu'Agathe... Mais vous êtes donc aveugle à ce point, vous aussi. Vous osez me donner cette assurance, vous, à moi. C'est la vérité. Et elle ne vous épouvante pas. Mais vous ne comprenez pas que cela veut dire que je dois m'en aller. Et que vous, au lieu de venir me trouver ici, vous devriez rester auprès de votre fille pour la persuader qu'il vaut mieux que je m'en aille. Mais comment ? Comment ? Tout est là. Et peu importe comment, l'essentiel que je m'en aille. Non, elle vous en empêchera. Oh, de grâce, madame, ne me faites pas perdre la tête à mon tour. Ne m'ôtez pas la seule force qui me reste. Celle de voir les conséquences de ce que les autres font aveuglément. Aveuglément, remarquez bien. Je ne dis pas par manque d'intelligence. Mais parce que quand quelqu'un vit, il vit et ne se voit pas. Je vois, moi. Parce que je suis entré ici pour ne pas vivre. Vous voulez donc me faire vivre par force ? Prenez garde que si la vie me reprend et m'aveugle à mon tour ! Voyons, voyons, voyons, voyons, voyons ! J'ai donc simplement voulu souligner au marquis la conséquence de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que désirant faire passer pour voleur un honnête homme, pas moi honnête, vous comprenez, mais cet homme qu'il avait voulu ici, honnête, et que je me suis prêté à représenter... Voulant donc le faire passer pour un voleur, il fallait qu'il volât l'argent, lui. Mais pourquoi ? Pourquoi voulez-vous qu'il le vole, lui ? Pour me faire passer, moi, pour un voleur. Mais il ne peut pas, il ne doit pas. Que voulez-vous ? Il feindra. Sinon, voulez-vous donc m'obliger à voler par force ? Ah, tu viens me supplier, toi aussi, de ne pas commettre cette folie. Oh, oui, oui, je vous en prie, persuadez-le, vous. Mais soyez tranquille, madame, il ne la commettra pas, parce qu'il sait bien que c'est une folie. Non par sa faute, mais par celle de Fabio. Et c'est lui qui t'a poussé à venir faire ce plâtrage ? Mais non, je suis là parce que tu m'as écrit toi-même de venir. Ah, c'est vrai. Et tu m'apportes vraiment les 100 francs que je t'ai prié de me prêter ? Bon, je ne t'ai rien apporté du tout. Ah, parce que tu as pensé, homme d'esprit, que tout ça n'était qu'une comédie. Bravo ! Tu vois pourtant que tu me trouves en tenue de voyage, comme je te disais dans mon billet, avec le même habit que je portais en arrivant. Un honnête homme vêtu de cette façon, hein ? Il ne manque vraiment que les 100 francs demandés en prêt à un ami d'enfance pour s'en aller décemment. Fais attention que je tiens beaucoup, beaucoup à cette comédie. Que diable racontes-tu ? Oh, cette pauvre dame nous regarde avec des yeux. Bon, permettez-moi de vous expliquer, madame. L'erreur du marquis, erreur très excusable et digne pour moi de la plus grande compassion, a consisté surtout à croire que je pourrais réellement tomber dans un piège. Erreur réparable. Le marquis se persuadera qu'étant entré ici pour jouer un rôle qui a fini par me divertir, ce rôle doit continuer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au vol. Mais simulé, avez-vous compris ? Et je fais tout gratis pour le plaisir que je me suis offert. Et ne craignez pas que j'exécute la menace d'enlever l'enfant d'ici 2 ou 3 ans. Quelle histoire, grand Dieu ! Que voulez-vous que j'en fasse, moi, de cet enfant ? Ou peut-être avez-vous peur d'un chantage ? Oh, assez ! Personne ici ne pense à cela. Et si par hasard j'y avais pensé ? Merci, je te répète. Le chantage, non ! Mais la jouissance exquise de vous amener tous à me supplier anxieusement de ne pas vouloir passer pour voleur en m'emparant d'une somme qu'avec tant d'astuces, pourtant, vous vouliez tous me faire prendre. Mais puisque tu ne l'as pas prise... Mais parbleu, parce que je veux qu'il la prenne, lui, avec ses mains. Entre Fabio. Et il la prendra, c'est moi qui vous le garantis. Je prendrai l'argent. Alors vous avez laissé les clés de la caisse en d'autres mains ? Non, monsieur, pourquoi ? Vous avez alors quelqu'un reçu à travers une confidence de Fongy ? L'argent monte à la caisse ? Oui. Oh mon Dieu ! Et tranquillisez-vous, je l'ai ici. Bon, c'est vous qui l'avez pris. Je vous ai prévenu qu'avec moi, on ne fait pas les choses à moitié. Enfin, monsieur, où voulez-vous en arriver? Rassurez-vous, je savais qu'un gentilhomme de votre espèce répugnerait, même pour un instant, même pour faire semblant, à soustraire cet argent de la caisse. Je suis allé le prendre moi-même hier soir. Et à quelle fin? Pour vous permettre, monsieur, de faire le magnifique geste de la restitution. Mais vous vous obstinez encore dans cette folie. Vous voyez que je l'ai pris réellement? Et maintenant, si vous ne faites pas comme je dis, ce qui ne devait être qu'une comédie deviendra sérieux, ainsi que vous le désiriez. Je désirais, mais ne comprenez-vous pas que je ne le désire plus maintenant? C'est moi qui le désire maintenant. N'avez-vous pas dit hier, là, hein, madame, que j'avais l'argent dans ma poche? Eh bien, je l'ai dans ma poche. Je vais aller à la réunion du conseil, j'y ferai mon rapport. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Je tairai, naturellement, cet excédent que le sieur Mark Fonji avait si bien disposé à mon intention. Et je lui donnerai la satisfaction de me prendre en faute. Soyez certain que je saurai simuler à merveille l'égarement du voleur pris sur le fait. Et puis, nous arrangerons notre affaire ici. Vous ne le ferez pas. Je le ferai, je le ferai. Mais on ne peut pas passer pour voleur volontairement quand on ne l'est pas. Je vous ai averti que j'étais prêt à voler réellement si vous vous obstinez à me contrarier. Mais pourquoi, enfin, pourquoi? Si je vous supplie moi-même de rester. Comment voudriez-vous que je reste ici, moi, maintenant, monsieur? Et puisque je vous dis que je me repens, je me repens sincèrement. De quoi? De ce que j'ai fait. Ce n'est pas de ce que vous avez fait que vous devez vous repentir, mais de ce que vous n'avez pas fait. Qu'aurais-je dû faire? Quoi? Mais vous deviez venir droit à moi après quelque temps pour me dire que si je respectais notre pacte, moi, ce qui ne me coûtait rien. Et si vous désiriez en profiter, vous aussi, comme c'était bien naturel, il y avait ici quelqu'un supérieur à vous et à moi, dont, ainsi que je l'avais prédit moi-même, la dignité, la noblesse d'âme refuserait d'y participer. Alors moi, tout de suite, monsieur, je vous aurais démontré l'absurdité de votre prétention, celle de vouloir que pénétra ici, pour jouer un tel rôle, un honnête homme. Eh oui, vous avez raison. En fait, je lui en ai voulu de m'avoir présenté à un homme tel que vous. Mais non, croyez qu'il a parfaitement choisi. Vous vouliez donc un honnête médiocre ici? Comme s'il eût été possible qu'un médiocre acceptât une telle proposition sans être une canaille. Seul je pouvais l'accepter, moi qui, comme vous voyez, n'éprouve aucun scrupule à passer pour voleur. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais comme ça, par vous? Qui t'y oblige? Personne ne le veut. Mais personne! Nous sommes tous là à vous supplier. Et toi par amitié, vous pour l'enfant. Et vous, pour quel motif? Mais pour celui-là aussi. Et pour quel autre? Et je vais vous le dire, moi, pour quel autre? Parce que vous venez de voir les faits de ce que vous aviez machiné. La réputation de l'enfant. Il faudrait peut-être penser à autre chose qu'à l'enfant. Vous ne voulez pas tenir compte de moi? Mais moi aussi, j'ai ma pauvre chair qui crie. Moi aussi, j'ai du sang dans les veines. Un sang noir, amer, lourd, de tout le poison de mes souvenirs. Et j'ai peur qu'il ne s'enfièvre. Hier, de ce côté, quand ce monsieur m'a jeté en pleine figure devant votre noble fille, mon vol présumé, je suis tombé plus aveugle que lui, plus aveugle que tous, dans un autre piège bien plus grave. Que me tend mon pauvre cœur depuis 10 mois que je vis ici, à côté d'elle, sans presque oser la regarder. Et cette tentation s'est servie de votre piège d'enfant, monsieur le marquis, pour me porter au bord de l'abîme. Oh, j'aurais dû me taire, comprenez-vous? Avaler votre injure devant elle, passer pour voleur, oui, devant elle. Et puis vous prendre en tête à tête, et vous démontrer d'abord que ce n'était pas vrai. Et vous obligez ensuite à jouer cette comédie jusqu'à la fin, cette comédie d'entente secrète avec moi. Et je n'ai pas pu me taire, comprenez-vous, le cœur a crié. Vous, toi, aurez-vous encore le courage de me retenir? Je vous dis que pour châtier mon vieux cœur comme il convient, je vais être obligé maintenant de voler réellement cet argent. Entre Agathe. Laissez-moi parler avec lui, seul à seul. Non. Non, madame, voyez... J'ai à vous parler. Non, c'est inutile. Je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire. Vous entendrez maintenant ce que j'ai à vous dire. Non, c'est inutile. Je vous en supplie. Assez. Je le veux. Je vous prie de nous laisser seuls. ne viens pas vous dire de ne pas vous en aller. Je viens vous dire que je partirai avec vous. Oui, je comprends, vous ne voulez pas me parler de l'enfant. Une femme comme vous ne réclame pas de sacrifice, elle les fait. Ce n'est pas du tout un sacrifice, c'est ce que je dois faire. Non, non, madame, vous ne devez pas le faire ni pour lui, ni pour vous. Il faut que je vous en empêche, à quelque prix que ce soit. Vous ne pouvez pas, je suis votre femme. Voulez-vous en aller, c'est juste, je vous approuve. Je vous suis. Mais où ? Non, voyons, que dites-vous, ayez pitié de vous et de moi. Ne me forcez pas à parler. Comprenez-le de vous-même, parce que moi, devant vous, je ne sais plus parler. Il n'y a plus besoin de paroles. Ce que vous avez dit m'a suffi dès le premier jour. J'aurais dû entrer aussitôt et vous tendre la main. Si vous l'aviez fait, je vous jure que je l'ai espéré, que j'ai espéré pendant une minute que vous le feriez. Tout aurait été fini aussitôt. Vous seriez retiré ? Non, j'aurais eu honte, madame, devant vous. Comme j'ai honte maintenant. Et de quoi ? D'avoir parlé honnêtement ? Facile, madame. Bien facile, l'honnêteté, aussi longtemps qu'il ne s'agit que de sauver les apparences. Si vous étiez entré pour me dire que la tromperie vous devenait impossible, je n'aurais plus pu rester, plus même une minute. Comme je ne peux plus rester maintenant. Vous avez donc pensé ? Non. J'ai attendu, madame. Je ne vous ai pas vu entrer. Mais je tentais de lui démontrer à lui que prétendre de moi l'honnêteté était impossible, non pour moi, mais pour vous. Et vous devez bien comprendre que maintenant, les conditions ayant changé par votre volonté, l'honnêteté me devient impossible à moi aussi. Non que l'énergie, le désir m'en manque, mais à cause de ce que je suis, madame, à cause de tout ce que j'ai fait. Tenez, ce seul rôle que je me suis prêté à jouer. C'est nous qui l'avons voulu, ce rôle. Et je l'ai accepté. Mais en déclarant d'avance quelles en seraient les conséquences, afin qu'il ne les acceptât pas, lui, eh bien moi je les ai acceptées. Et vous ne deviez pas, madame, parce que voilà votre erreur, ce n'est jamais moi qui ai parlé ici, mais un fantoche grotesque. Et pourquoi ? Vous étiez tout droit la pauvre humanité qui souffre dans la joie et jouit dans la douleur de l'existence. Une pauvre mère, très faible, ayant eu cependant le courage de permettre à sa fille d'aimer en dehors de toute loi. Vous, éprise d'un brave homme, capable d'oublier que cet homme était malheureusement lié à une autre femme, cela vous semble des fautes, cela ? Vous avez cherché à réparer le dommage en m'appelant ici, et je suis venu vous parler un langage asphyxiant, celui d'une honnêteté factice et contre-nature, à laquelle vous aviez eu le courage de vous soustraire. Je savais bien qu'à la longue, les deux autres n'auraient plus pu en supporter les conséquences. Leur humanité devait, par force, se révolter. J'ai perçu tous les soupirs de votre mère, tous les éclats du marquis. Et cela m'a plu, croyez-moi, de le voir ourdir ce complot contre la plus grave des conséquences que je lui avais prédites. Et le vrai péril était pour vous, madame. C'était que vous acceptiez ces conséquences jusqu'au bout. Et vous les avez acceptées, en effet. Et vous avez pu les accepter, vous, parce que en vous, la mère devait, par force, tuer l'amante. Voilà, vous n'êtes plus que mère. Mais moi, je ne suis pas le père de votre enfant, madame. Comprenez-vous ce que cela signifie ? C'est pour l'enfant, parce qu'il n'est pas à vous. Non, voyons, que dites-vous ? Mais comprenez-moi mieux, en acceptant de me suivre, vous le faites vôtre, cet enfant, vôtre, sans partage. C'est-à-dire plus sacré pour moi que s'il m'appartenait réellement. Et alors ? Mais je vous l'ai dit, madame, pour vous rappeler à ma réalité, puisque vous ne voyez que l'enfant. Vous parlez encore à un fantoche de père. Non, non, je parle à vous, homme. Que savez-vous de moi ? Qui suis-je ? Voilà qui vous êtes. Cela. Vous pouvez lever les yeux si j'ose vous regarder. Alors nous devrions tous ici baisser les nôtres devant vous pour cette seule raison que vous, du moins, vous avez honte de vos fautes. Je n'aurais jamais cru que le destin me réserverait d'entendre de telles paroles. Non, croyez bien que j'en suis indigne. Mais savez-vous bien que j'ai là sur moi 500 000 francs qui ne m'appartiennent pas. Les restituerez et nous partirons. Non, jamais, il faudrait être fou. Je ne les restitue pas, madame, je ne les restitue pas. Et alors moi et l'enfant, nous vous suivrons. Même sur ce chemin-là. Vous me suivriez. Même voleur. Maman. Tu peux dire à ces messieurs qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Non, attendez. Pas elle. Moi. L'argent. Il cherche à retenir ses larmes. Je sais bien maintenant comment je dois leur parler. Il se redresse dans une attitude pleine de dignité.